Devine ce que j'ai découvert dans le grenier chez ma grand-mère. Une malle en bois sertie de cuir. Allez, suis-moi, allons l'ouvrir. Que trouverais-je dedans? Sûrement des jouets d'enfants. Peut-être un soldat de plomb ou bien son lieutenant. Des cahiers, des colliers avec des mots maturés. Des petits dessins griffonnés, des bouts de gâteaux écrasés. Je n'ai pas la clé, cherchons retour. Et viens m'aider, je deviens fou. L'envie d'ouvrir, l'envie d'ouvrir, de découvrir, de découvrir, de l'inconnu, de l'incongru. Que trouverais-je dedans? Des mots doux d'adolescents, des lettres d'amour indécents, pleines de pensées insouciantes, des photos un peu rosées, un magazine de porno, des clichés non censurés, rendez-moi ma libido. Y'a un crochet derrière la poutre, une cachette en forme de voûte. Pendu après tous les secrets que ta mallette va refermer. Que trouveras-tu dedans? Et si tu trouvais de l'or ou une carte au trésor dans une boîte de Pandore? Seras-tu conquistador ou bien le commodore? Vireras-tu à bâbord? Changeras-tu le décor? On a ouvert le coffret. Une plaque en verre était collée. Avec écrit préoccupé, prière de ne rien déplacer. J'ai un moment hésité avant de me laisser tenter. Avant de tout déranger, laisser l'oiseau s'envoler. Il y avait un autoportrait, des manuscrits en papier, des coquillages échoués sur le bord d'un sablier. Une vieille locomotive, le t-shirt de l'Inida, une suite expectative de poupées russes un peu folles. J'ai pas trouvé de j'ai s'éloigné, j'ai vu le fond se dérober. J'ai pris des risques, j'ai pris des risques. Je me suis penché, je me suis penché. Et c'est alors que je suis tombé, tombé, tombé.